Là j't'ai pas tout dit. T'es parti trop vite, j'entends plus tes pas. Là j'ai pas tes tics. Depuis qu'il m'a dit que je verrai plus tes bras. Dis-moi ce que tu penses. Efface mon cœur à moitié pas. Je ressens la défense. De toute façon mon crâne il marche pas. Je me sens mal quand je fais pas le cash. Je sais que la fin est proche. Toi tu réalises pas. Je me sens mettre dans la purge. Est-ce que je vais perdre espoir? Je vois tous ces fils de pute. À part toi rien m'empêche de mettre le monde en pièce. Je fais plus de 200k. Si je veux j'en baise une autre. Mais celle que je veux c'est toi. Moi j'aime pas que tu te montres. Y'a 10 secondes avant que la pompe explose. Et que je te reconnaisse pas. Tu l'entends quand je respire, c'est violent quand on se bat. J'irai plus en Espagne, j'aime pas trop mes souvenirs. Je te quitterai si je t'aime pas, je veux pas me droguer, c'est nul. Je sens comme tu, réponds-moi si je t'appelle, je t'ai jamais dit adieu. Quand j'ouvre mon cœur de pierre, je te vois en miniature. Je la vois en boucle. T'es parti mais t'as rien dit. Ça fait 6 mois je suis aveugle. Et j'écoute tour de magie. Et je sais que tu vas revenir. Je me rappelle de tes yeux noirs toi. Tu voulais me voir sourire mais fallait pas que ça dégénère. Je suis pas un psychopathe. Oublie que t'as peur de moi. Faudra qu'on parle si un jour t'es capable. De brouiller mes images. Un dragon noir. Viens je te raccompagne. Pourquoi tu vas si mal? Y'a une dague en or tenue par tes mains.